We are one, love, one destiny. Ryan prend le mic pour Made in United, one blood, one race, one history. Babylon system try to divide humanity. We are one. One. Only one. One. One, one, one. Ce n'est plus un mystère, ils divisent pour mieux régner. C'est leur façon de faire à nous de ne plus l'accepter. Au nom des boucs émissaires arbitrairement désignés, notre devoir c'est de nous lever face à tant d'absurdités. C'en est assez. La xénophobie est une folie qui nous pourrit la vie. Classe, il n'y a qu'une seule race, celle de l'humanité. We are one. One. Only one. One. One. One. We are one. One. Only one. One. One. One. J'en appelle à la jeunesse France, cassez debout que viendra la douce délivrance. Mettant fin à des siècles d'ignorance marqués par la haine et l'intolérance. Malheureusement, aujourd'hui j'observe toujours le même schéma. Le racisme pullule en bas de chez moi. Quand de toutes les origines, tous les horizons, l'homme est capable du pire, ce sans exception. Alors au nom de l'amour, au nom de la raison, chantons ce refrain à l'unisson. One love, one destiny. Ryan prend le mic pour Made in United. One blood, one race, one history. Babylon system try to divide humanity. Cause we have one. One. Only one. One. One. One. One. We have one. One. Only one. One, one, one. Big up North United Music. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, reggae music nous rassemble. Reggae music nous ressemble. Bouyak c'est Cam pour le groupe Ryan. Yes, we are one. Made in United. Made in United. One big family. One blood, one destiny.